bel ennui. Chaque geste est un cri silencieux dans cette nuit sans fin. Nos voeux, on s'accroche aux ombres du passé. Même si l'avenir est effacé, je l'ai trouvé près d'un bar, il vit. Ses yeux criaient plus fort que les bombes. Elle riait comme une mélodie acide. Et ses hanches faisaient vibrer. On partage nos blessures à moitié guéries, nos secrets dans des baisers volés en sursis. Le monde s'effondre, mais sous la poussière, nos cœurs battent légers. Comme la lumière. Take me back to your bunker, babe. Oh, rusty kisses, nothing's dead. In your arms, I feel the fire. Elle soupire, même les rats s'arrêtent de fuir. Je suis un roi sans royaume, sans armure.